بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تعالى continue dans le fiqh dans منهج السالكين للشيخ السعدي رحمه الله تعالى. Et on s'était arrêté au début de باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة, c'est-à-dire la porte du lavage des parties et le comportement à avoir lorsqu'on va pour faire ses besoins. وَالِسْتِنْجَا هُوَ إِزَالَةُ الْخَارِجْ مِنَ السَّبِيلَيْنِ بِالْمَا أَوْ بِالْحَجَرِ وَالثَّانِي يُطْلَقُ عَلَيْهِ الْإِسْتِجْمَارِ. Donc Al-istinja, c'est le fait de se purifier les parties, soit avec de l'eau, ou avec une pierre, ou ma yaqoumu maqam al-hajar, c'est-à-dire une chose qui remplace la pierre, ala kulli hal. Et le deuxième, même si les deux, ça s'appelle al-istinja, que ce soit avec de l'eau ou de la pierre, eh bien le deuxième, يطلق عليه généralement il l'appelle les savants al-istijmar. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a cité aussi dans certains hadiths al-istijmar. Donc cette porte là nous montre une chose qui est essentielle, c'est que din shamilun li jami' al-umur, que la religion elle englobe toute chose. Puisque même la question de la purification des parties, eh bien, a une place dans notre religion. Et que nous devons de nous conformer aux préceptes de l'islam, même par rapport au fait de faire ses besoins. Alors, les gens qui se sont égarés dans la croyance, mathalan, pour donner un exemple, et qu'ils ont dit, oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ils n'ont pas tout expliqué, ils ont délaissé certaines choses qu'ils n'ont pas expliquées. Wa ha'oula ahlu tajhil. Eh bien, on leur dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué même la façon de faire ses besoins. Est-ce que vous pensez qu'il va délaisser ce qui est en rapport avec la base de l'islam, qui est l'unicité d'Allah Azza wa Jal et les noms et les attributs d'Allah? Seul quelqu'un qui a un problème dans son cœur et dans sa tête peut comprendre cela. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout expliqué, même le comment se comporter dans les toilettes, mais il a oublié d'expliquer wal'iyadu billah l'unicité d'Allah et ses noms et ses attributs. Donc cette porte-là est en relation avec tout ce qui se rapporte à qada al-haja, c'est-à-dire le fait de faire ses besoins et le fait d'aller dans l'endroit où tu fais tes besoins. Et le fait d'aller dans ce qui explique le quand tu vas dans l'endroit. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, il dit l'auteur rahimahullah ta'ala, ou avant de parler de ce qu'a dit l'auteur, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans Sahih Muslim que les associateurs ils ont dit que certes ce prophète, votre compagnon, il vous a tout enseigné. Il n'a pas délaissé une chose qu'il ne vous a pas enseigné. Donc, l'auteur il dit, يُسْتَحَبُّ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاء. Donc il est préférable, lorsque la personne rentre dans l'endroit où elle va faire ses besoins, c'est-à-dire, nous on va dire les toilettes aujourd'hui, mais le khala, c'est un endroit qui est éloigné à la base. C'est quelque chose qui est lointain et que les gens allaient faire les besoins. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى. Donc l'auteur rahimahullah ta'ala, il commence direct par le comportement à avoir lorsque tu rentres dans les toilettes ou lorsque tu vas faire tes besoins. Et il dit, il est recommandé lorsque la personne rentre dans les toilettes de rentrer avec son pied gauche. Et ceci, mes frères, il n'y a aucun dalil. Je veux dire de la parole d'Allah ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il faut rentrer du pied gauche dans les toilettes. Mais il y a des dalils qui sont des règles, qui sont connues et qui ont été citées par les savants. Et la règle, elle dit que Al-yaminu yuqaddamu fi kulli ma fihi takrim wa tashrif. Donc la règle, elle dit que la droite, c'est-à-dire la main droite ou le pied droit, il doit être devancé dans toute chose où il y a un bien ou un mérite. Et que la main gauche, elle reste, et le pied gauche, dans les choses mauvaises. Donc c'est pour cela qu'il dit Nawawi rahimahullah ta'ala, ويستحب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم كالوضوء والغسل والخروج من الخلاء واليسرى ضد ذلك. Il dit qu'il est préférable d'utiliser la droite, que ce soit la main droite ou le pied droit, dans tout ce qui est bon et bien, que ce soit les ablutions, où tu commences par la main droite, que ce soit le lavage rituel, al-ghusl, que tu commences par la partie droite, que ce soit dans le fait de sortir des toilettes, tu sors avec le pied droit. Et il dit la pied gauche et la gauche, c'est-à-dire la main gauche et le pied gauche, ils sont dans l'opposé. C'est-à-dire toute chose où il y a une mauvaise chose, eh bien tu dois rentrer avec le pied gauche, comme les toilettes par exemple. Donc la personne, il rentre dans les toilettes avec le pied gauche. Et je pense aussi que vous connaissez tous le hadith de Aïcha, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle disait du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il aimait, qu'il utilisait la main droite dans tout ce qui est bon. Lorsqu'il se coiffait, lorsqu'il se faisait ses ablutions, et il laissait la main gauche pour tout ce qui est autre. Donc elle dit, « Inna al-Nabi sa'asim kana yu'jibuhu al-tayammun fi tarajjulihi wa tahurihi wa fi sha'nihi kullih. » Donc il aimait utiliser la main droite dans tout ce qui est bon, sallallahu alayhi wa sallam, et il laissait la main gauche pour ce qui était mauvais, comme par exemple le fait de se laver les parties, ou par exemple lorsque tu rentres à la mosquée, tu rentres avec le pied droit, et lorsque tu sors avec le pied gauche. Et certains savants ont dit que les toilettes, ils ont fait un qiyas par rapport à la mosquée aussi, dans le sens où, comme la mosquée c'est une chose bonne, tu rentres avec le pied droit et tu sors avec le pied gauche, et les toilettes c'est le contraire. Vous comprenez? Donc ils ont dit cela. Wallahu ta'ala a'lam. Donc le mieux, c'est de rentrer dans les toilettes avec son pied gauche. Et ceci est le premier adab que nous cite l'auteur rahimahullah. An yuqaddima rijlahu al-yusra wa yaqul. Donc ici il nous a parlé d'un comportement de l'action. Maintenant, il nous parle d'un comportement de quoi ? De la parole. Donc là, il dit, il faut que le fait que tu rentres dans les toilettes du pied gauche soit accompagné de la parole qui est wa yaqul, et il dit bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Ou al-khubthi wal-khaba'ith. Donc je demande, tu dis bismillah et tu dis, je demande protection à Allah Azza wa Jal de l'khubuthi wal-khaba'ith, c'est-à-dire tout ce qui est mal, ou tout ce qui est djinn, masculin et féminin. Donc les savants, ils ont dit, si tu mets al-dhamma, al-khubuthi, c'est dhukran al-shayatin. C'est-à-dire, c'est les masculins des hommes, des shayatines, pardon. Wal-khaba'ith, c'est le féminin. Et si tu mets sukun al-khubthi, eh bien, c'est le mal. C'est al-shar, en général. Donc, l'auteur, il a dit que lorsque tu rentres, eh bien, tu dis bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Et cette dua, elle est composée de deux choses. Elle est composée de l'basmala, qui est une chose, et elle est composée de l'invocation de la protection. En ce qui concerne la basmala, eh bien, ça, il a été rapporté dans le hadith de Ali et dans d'autres hadiths que lorsqu'une personne rentre et qu'elle veut protéger ses parties de la vision des djinns, des shayatins, lorsqu'elle rentre dans les toilettes, qu'elle dise bismillah. Qu'elle dise bismillah. Et ce hadith a été rapporté par al-Tirmidhi ou Ibn Majah. C'est-à-dire, al-basmala, là je parle que de la basmala, je ne parle pas de Allahumma inni. أعوذ بك من الخبث والخبائث. Je parle de l'basmala. Donc il dit At-Tirmidhi rahimahullah ta'ala, après avoir cité ce hadith, حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده ليس بذاك القوي ليس بذاك القوي. Donc At-Tirmidhi يضعفه. At-Tirmidhi, il considère que dire al-basmala lorsque tu rentres dans les toilettes, c'est faible. Il est rapporté aussi de al-Bazzar, qui est un alim de l'hadith aussi, qu'il a dit wa hadha al-hadith la na'lamuhu yurwa 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam illa min hadha al-wajh. C'est-à-dire que c'est un hadith gharib qui est rapporté par Ali radiyallahu ta'ala anhu. Donc certains l'ont authentifié, comme par exemple Cheikh l'Albani rahimahullah. Mais al-Sahih, la parole la plus prépondérante sur ce hadith, c'est que c'est un hadith qui est faible. Et ce qui prouve cela encore, c'est que al-Bukhari wa Muslim, ils ont rapporté ce hadith. C'est-à-dire, je parle du hadith Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Là, je ne parle plus de l'basmala. Et ils l'ont cité sans citer la basmala. Donc il n'y a pas de basmala à dire. Lorsque tu rentres dans les toilettes, tu ne dis pas bismillah. Mais tu dis Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Donc ça c'est une chose. Donc la première chose c'est que tu rentres avec le pied gauche. La deuxième chose c'est que tu disent l'invocation qui est Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. La majorité des savants, ils considèrent que l'invocation doit être dite dans le bunyan wa fil khala. C'est-à-dire que l'invocation, tu l'as dit lorsque tu vas faire tes besoins. Lorsque tu vas faire tes besoins, eh bien tu dis cette invocation, qu'il y ait des toilettes ou qu'il n'y en ait pas. Et ceci est l'avis de la majorité, et qu'il doit le dire avec sa langue. C'est pas comme quelqu'un, il dit, oui, je l'ai dit dans mon cœur. Et il bouge pas sa bouche. Il doit le dire avec sa bouche. Il doit le dire avec sa bouche. Et il n'y a pas de khilaf, il n'y a pas de divergence sur le fait qu'il est recommandé de dire cette invocation. De dire cette invocation. Donc il y a Une mas'ala qu'on peut citer aussi, c'est la mas'ala qui est, quel est le jugement de celui qui va rentrer dans les toilettes avec une chose où il y a écrit le nom d'Allah, Azza wa Jal. Et que, par exemple, il a une feuille où il y a des versets du Coran, ou, je ne parle pas du mushaf, je parle d'une chose où il y a des versets du Coran, ou etc. Eh bien, la majorité des savants, ils considèrent qu'il est recommandé de délaisser cette chose en dehors des toilettes. Sachant que la preuve qu'ils utilisent, qui est rapportée dans Sunan Abi Daoud, qui est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il rentrait dans les toilettes, il posait sa bague où il y avait écrit Allah, Muhammad, Rasulullah. Il l'a posé. Eh bien, ceci est un hadith qui est faible aussi. Donc, les savants, ils ont dit qu'il est préférable. Mais est-ce qu'il est interdit de rentrer avec quelque chose où il y a écrit le nom d'Allah, où il y a écrit des versets dans les toilettes? Eh bien, ceci n'est pas interdit. Tant que cette chose est rangée et cachée, c'est-à-dire qu'elle est dans une poche ou dans la veste. Vous comprenez ? Tant que cette chose n'est pas apparente, eh bien, il n'y a pas de mal à cela. Donc, l'auteur, il a commencé par le fait de rentrer avec le pied gauche et de dire al-basmala et de dire ad-du'a. Ensuite, il dit wa idha kharaja minhu. Et lorsqu'il sort des toilettes, قَدَّمَ الْيُمْنَى وَقَالَ غُفْرَانَكَ. Il dit lorsqu'il sort des toilettes, il sort avec le pied droit. Et il dit غُفْرَانَكَ, c'est-à-dire qu'il demande pardon. وَالْمَغْفِرَةُ هِيَ سِتْرَ الذَّنْبِ وَالْتَجَاوُزَ عَنْهُ. الْمَغْفِرَةُ, le pardon, c'est le fait de cacher le péché et de l'effacer, qu'Allah l'efface, yani. Et les savants, ils ont cité plusieurs causes dans le fait de dire Ghufranak lorsque la personne, elle sort des toilettes. Parmi les causes qu'ils ont été citées, c'est que parce qu'il a délaissé l'invocation d'Allah pendant une période, yani. Dans le sens où il est rentré dans les toilettes, il n'a pas invoqué Allah. Il ne l'a pas évoqué non plus. Donc il sort et il demande pardon à Allah Azza wa Jal. Aussi, ils ont dit que parmi les causes de cela, c'était que la personne, il n'a pas remercié Allah subhanahu wa ta'ala sur ce bienfait, le bienfait de pouvoir, yani, vider son ventre, dans le sens où c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Donc il dit wa qala ghufranak. Ce hadith, mes très chers frères, c'est un hadith qui est rapporté par Abu Daoud, wa Tirmidhi, wa Ibn Majah, wa Ahmad, wa Al-Bayhaqi, wa Al-Hakim. C'est le hadith de Aisha radiyallahu ta'ala anha, qui disait que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait des toilettes, il disait ghufranak. Et ce hadith-là, il y a eu une divergence entre certains savants sur l'authenticité de ce hadith. Et c'est pour ça que l'imam Tirmidhi rahimahullah ta'ala, lorsqu'il le rapporte, il dit « Hadithun hasanun gharib ». C'est un hadith qui est bon, mais qui est gharib dans le sens où il est rapporté dans la chaîne de transmission à un moment que par une personne. Et la chaîne de transmission, en l'occurrence, c'est que il est rapporté de Israël. Il s'appelle comme ça, yani. Israël ibn Younes, qui le rapporte de Yusuf ibn Abi Burda, qui le rapporte de Abu Burda, qui le rapporte de Aïcha. C'est-à-dire qu'il y a un tafarrud, c'est-à-dire qu'il y a Aïcha, il a été rapporté, la personne qui l'a rapporté de Aïcha, c'est une seule personne. qui elle-même l'a transmis à son fils que à son fils. Que elle-même, que son fils l'a transmis à une seule personne. Vous voyez le at-tafarrud là ? C'est-à-dire que la personne, il le transmet à un. Et ceci est quelque chose d'étonnant. Car l'aslo, la base, lorsque la personne, elle transmet les hadiths, c'est que tilmid ya'khudu min shaykhihi jami' ma 'indah. Al-aslu à l'époque, c'est quand lorsqu'il prenait un hadith d'une personne, c'est qu'il prenait tout ce qu'il avait comme hadith. Et ça peut arriver des fois que une personne particularise une personne par certains hadiths comme Abu Burda khassa ibnahu bihad al-hadith. Les ulama, ceux qui ont authentifié, ils ont dit qu'il n'y a pas de mal car Abu Burda il l'a dit à son fils. Donc son fils il est a'lam bihi min ghayrihi. Il connaît mieux son père que les autres. Donc peut-être que son père lui a donné plus de hadith à lui qu'aux autres. Vous comprenez? Mais ce qui est étonnant mes frères, c'est que Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle a des talmides elle aussi, elle a des élèves on va dire. Et parmi ses élèves les plus proches, c'est Urwa. Ibn Zubayr, qui est son neveu. Et qui n'a pas rapporté ce hadith. Aussi, ce hadith n'est pas mentionné dans les recueils authentiques, comme le Bukhari ou le Muslim. Donc c'est pour cela qu'il y a une divergence entre les savants sur l'authenticité de ce hadith, même si la majorité des savants le considèrent comme étant un hadith authentique. Mais moi, et suivant certains autres savants, eh bien il y a une faiblesse dans ce hadith. Il y a une faiblesse qui est indéniable. Ensuite il dit, l'auteur, « Alhamdulillah alladhi adhaba anni al-adha wa afani. » Ça c'est une autre doua qui est dite lorsque tu sors des toilettes, mais ce hadith-là est faible. Comme l'a cité plus d'un alim, notamment Cheikh l'Albani rahimahullah ta'ala. Et je sais que quand tu dis ça, les gens ils parlent plus après. Mais si tu dis non, si tu vas à l'encontre de sa parole, eh bien, il te tombe dessus. Mais il y a plusieurs autres savants qui l'ont rendu faible, notamment An-Nawawi rahimahullah ta'ala et d'autres. Donc ce qu'il dit la personne lorsqu'il sort des toilettes, c'est qu'il ne dit rien fil asl. Si on suit l'avis de certains savants qui considèrent ce hadith comme étant faible. Puis si nous le considérons authentique, et ceci est une chose qui est chez beaucoup de savants, c'est qu'ils disent Rufranak. Ensuite il dit l'auteur wa yastatir bihaitin aw ghayrihi wa yab'udu in kana fil fada. Donc ici il parle de deux choses différentes. Il dit et qu'il se cache. Nous sommes toujours dans l'adab. Regardez donc l'auteur, il a donné un premier adab. C'est quoi? C'est le fait de rentrer dans les toilettes avec le pied gauche. Puis il a dit la doua. Puis il a dit le fait de sortir des toilettes avec le pied droit. Et il a dit quoi aussi? La doua, c'est-à-dire l'invocation. Puis la troisième chose, ou la quatrième chose, pardon, c'est qu'il a dit il faut qu'il se cache. C'est-à-dire, ويستتر, il se cache. Il dit soit derrière un mur, ou soit qu'il s'éloigne des gens s'il est dans le désert. Mathalan, il n'y a rien pour te cacher. Eh bien, tu t'éloignes des gens jusqu'à ce qu'ils te voient pas. C'est-à-dire que, min adab qada il haja al-istitar. C'est-à-dire que la personne, il se cache de la vue des autres, de la vue des gens. Car kashful awrati haram. C'est-à-dire, il est interdit de montrer ses parties aux gens. Ceci est interdit. Et nous viendrons, inshallah ta'ala, plus tard dans le livre sur ce sujet-là. Donc, kashful awra haram. Wa sitriha wajib. C'est obligatoire de se couvrir. Il est rapporté de Al-Mughira ibn Shu'bah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce hadith est rapporté dans les deux recueils authentiques, qu'un jour il faisait ses ablutions et qu'il voulait faire ses besoins, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti loin de lui jusqu'à ce qu'il ne le voyait plus. Jusqu'à ce qu'il ne le voyait plus. Ceci pour se cacher, pour faire ses besoins. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut se cacher, soit derrière un mur, soit derrière un arbre, soit derrière un buisson, soit derrière n'importe quelle chose, pour pouvoir faire tes besoins. Et ceci est l'istitar, le fait de se couvrir, de se cacher. Il est aussi rapporté, d'après Muslim, que Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Abdullah ibn Ja'far, que le prophète préférait se cacher lorsqu'il faisait ses besoins, soit derrière un petit muret, ou bien derrière les troncs des palmiers, Yani dans le sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est même pas les troncs des palmiers, c'est les murs qu'il y a autour des palmiers, pardon. C'est pas les troncs. C'est les murs qu'il y avait autour des palmiers. Ha'ish al-Nakhl. Ils appellent ça Ha'ish al-Nakhl. Les petits murets qu'il y a autour des palmiers, et ils se cachaient derrière alayhi as-salatu wassalam. Donc c'est pour ça qu'il faut se cacher, se couvrir lorsque la personne, fait ses besoins. Ensuite, mes très chers frères, il dit, l'auteur rahimahullah ta'ala, وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ فِي. Il dit, il lui est interdit de faire ses besoins dans, yani il va citer plusieurs endroits. Le premier endroit, il dit, الطريق. فِي الطريق. Ensuite, il dit, أَوْ مَحَلِّ جُلُوسِ النَّاسِ. Ou l'endroit où les gens s'assoivent. Puis il dit, ou tahta al-ashjar al-muthmira, ou en dessous les arbres qui donnent des fruits. Ou fi mahalli yu'zi bihi an-nas, ou dans un endroit, pour être plus général, où il va déranger les gens. Et c'est pour ça qu'il est rapporté de Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ittaqu al-'aynayn, craignez les deux maudits. Ils ont dit, qu'est-ce que sont les deux maudits? Il a dit, alladhi yatakhalla fi tariq an-nas aw fi dhillihim. Rawahu Muslim. Il dit, c'est celui qui fait ses besoins sur le chemin des gens ou dans leur ombre, yani fi dhillihim, dans les endroits où ils vont prendre de l'ombre, où ils vont se reposer. C'est-à-dire qu'il y a des arbres qui font de l'ombre, les gens ils se mettent en dessous, à l'époque, puisqu'il fait très chaud. Donc, ne faites pas vos besoins dans ces endroits, car vous allez être... ça va être une chose qui va gêner les gens. Donc, il est interdit de faire ses besoins dans les endroits où les gens se rencontrent, où les gens s'assoient, où les gens prennent leur pause et se reposent. Et c'est pour ça que les savants, lorsque l'auteur il parle des routes, il parle des routes qui sont utilisées. At-turuq al-masluka, les routes qui sont utilisées. Car les routes qui ne sont pas utilisées, eh bien tu peux faire tes besoins. En ce qui concerne les routes non utilisées, les routes utilisées où les gens passent, les passages des gens, eh bien à ce moment-là, tu n'as pas le droit de faire tes besoins dans ces endroits-là. On peut rajouter aussi, mes très chers frères, dans les endroits où tu n'as pas le droit de faire tes besoins, ash-shaq, c'est-à-dire le trou par terre, comme un trou par terre. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté de Abdullah Ibn Sardis, il dit, naha Rasul Aslam an yubal fil hujr. Et après, il a dit, li annahu masakin al-jin. Ce hadith rapporté par Abu Daoud, An-Nasa'i ou Ahmed. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit d'uriner dans Al-Hujr, c'est-à-dire les Al-Shaq par terre, les sortes de. Les petites tranchées par terre. Car il dit c'est les endroits où vivent les diables. Donc il faut éviter d'uriner dans ces endroits-là. Donc pour faire un récapitulatif, donc l'auteur il a cité plusieurs choses. La première chose c'est de rentrer avec le pied gauche, de dire l'invocation qui est Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith, de sortir avec le pied droit et de dire Rufranak si bien sûr la personne est convaincue que le hadith est authentique malgré qu'il y a une faiblesse qui est évidente dans ce hadith. Quatrième chose, de se cacher de la vue des gens. De se cacher de la vue des gens. Cinquième chose, d'éviter les endroits où les gens ont leurs habitudes, comme le passage, comme le fait où les gens se posent, se reposent, ou les endroits où ils se réunissent, etc. Eh bien, il est interdit d'uriner dans ces endroits-là. Là, l'auteur, il a parlé de tout ce qui est en relation avec Al-Khala, c'est-à-dire l'endroit dans lequel nous allons faire nos besoins. Là, il va passer à un autre sujet qui est en relation, c'est la personne qui va faire ses besoins. Elle doit respecter aussi certaines choses. Donc, il dit l'auteur, rahimahullahu ta'ala, وَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا أو ولا يستدبرها حال القضاء أو حال قضاء حاجته. Donc il dit et qu'il ne mette pas la Mecque derrière lui ou devant lui lorsqu'il fait ses besoins. C'est-à-dire que lorsqu'il fait ses besoins, la Mecque ne doit pas être derrière lui et ne doit pas être devant lui. Vous comprenez? Puis il dit لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا متفق عليه. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit lorsque vous allez faire vos besoins, ne mettez pas la Mecque devant vous ni derrière vous, mais شرقوا أو غربوا, mettez-vous à l'est ou à l'ouest. Donc là, l'auteur, qu'est-ce qu'il a fait? Nous avions expliqué précédemment, il y a une divergence sur la parole de l'auteur. Puisque l'auteur, il considère que dans tous les endroits, c'est-à-dire que tu sois dans le désert ou que tu sois dans les habitations, vous comprenez ce que je dis? Que tu sois dans le désert ou dans les habitations, eh bien tu n'as pas le droit de te diriger vers la Mecque lorsque tu fais tes besoins. Tayyib. Et l'auteur ici, il est clair. Il dit, il a laissé sa parole générale. Et ceci est l'avis de Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Que la personne même, lorsqu'il est à l'intérieur de chez lui ou il est dans une ville, eh bien, il doit sharriq ou gharrib. Il doit absolument se diriger vers une autre direction que la Mecque. Et ceci, comme je l'ai dit, il y a une divergence. Donc, il y a au moins 9 ou 10 avis dans cette mas'ala-là, dans ce point-là. Nous allons citer 2 avis qui sont les plus importants. Wallahu a'lam. Le premier, c'est celui qui a été cité par l'auteur. Qu'il est interdit dans tous les cas de se diriger vers la Mecque lorsque tu fais tes besoins. Que tu sois dans la ville ou dans le désert. Le deuxième avis, eh bien, c'est de dire que lorsque tu es dans la ville, tu as le droit de te diriger en direction de la Mecque, que ce n'est pas interdit. Mais lorsque tu es fil fada, c'est-à-dire en dehors de la ville, nous on va pas dire désert puisqu'il n'y a pas de désert, mais on va dire maintenant que tu es à la campagne, il n'y a pas d'habitation autour, eh bien tu n'as pas le droit de te diriger vers la Mecque. Vous comprenez? lorsque tu fais tes besoins. Donc, l'auteur, il a utilisé comme preuve le hadith qui est rapporté dans les deux recueils authentiques, qui est, lorsque vous allez faire vos besoins, ne mettez pas la Mecque devant vous ni derrière vous. Cependant, mettez-vous à l'est ou à l'ouest. Dirigez-vous vers l'ouest ou l'est. En ce qui concerne le deuxième avis que j'ai cité, ils prennent comme dalil la parole d'Ibn Omar, qui est rapportée aussi dans les deux recueils authentiques. Il a dit, je suis monté un jour sur le mur de la maison de Hafsa. Qui est Hafsa? C'est la sœur d'Ibn Omar. Et j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire ses besoins. Mustaqbil al-Sham, mustadbir al-Qibla. Il dit, il y avait en face de lui al-Sham et derrière lui al-Qibla, c'est-à-dire la Mecque. Tayyib, qu'est-ce qu'on retire de ce hadith? C'est que Ibn Omar, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire ses besoins et la Mecque était derrière lui. C'est-à-dire que le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam était dirigé vers la Mecque. Tayyib. Donc, il y a aussi, ça c'est un hadith qui est dans les deux recueils authentiques. Il y a aussi le hadith ou le athar qui est rapporté de Marwan ibn al-Asfar. Il a dit Marwan ibn al-Asfar, Ra'aytu ibn Umar anakha rahilata. Il a dit, j'ai vu Ibn Umar poser sa monture. Faqulna, ensuite, il s'est mis en direction de la Mecque. Yani Ibn Umar, là on parle d'Ibn Umar. Thumma jalasa yaboul. Puis il s'est mis à uriner. Ilayha, en direction de la Mecque. فقلنا يا أبا عبد الله أو يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهينا عن هذا؟ Il dit, oh toi, يعني le père de Abdurrahman, nous avons pas été interdits de faire ça. Alors Ibn Omar il a dit, قال بلى إنما نهينا عن هذا في الفضاء. Nous avons interdit de faire ça dans le désert. Et ce hadith est rapporté par Abu Daoud. Wad-Dharqutni, il a dit hadithun sahih. Tayyib. Donc ils ont dit ce hadith il est authentique. Donc Ibn Omar, qu'est-ce qu'il a compris du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a compris qu'uriner en direction de la Mecque alors que tu étais dans le Bunyan, c'est-à-dire que tu étais dans la ville, eh bien c'était autorisé. Tayyib. Certains, ils ont dit, certains savants, pour répondre à ces dalils-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, non, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été abrogé. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on a cité, que Ibn Omar est monté sur la maison de Hafsa et qu'il l'a vu, faire ses besoins en direction de la Mecque, a été abrogé. Tayyib. Nous disons que cela n'est pas le cas. Pourquoi? Ce n'est pas le cas, car il a été rapporté un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith de Jabir, qui est rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi ibn Majah, il dit Naha, yani le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, an nastaqbil al-qiblata bi bawlin. Il a interdit que nous urinions vers la Mecque. فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ. Je l'ai vu avant de mourir d'une année. يَسْتَقْبِلُهَا. C'est-à-dire qu'il a fait ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, نَهَا فِي الْفَضَى. وَالْقَوْلُ الصَّحِيرُ. Je pense que l'avis le plus prépondérant, c'est que lorsque tu es dans Al-Bunyan, à l'intérieur, dans la ville, ou bien dans un endroit où il y a de la construction, eh bien, tu as le droit de te diriger vers la Mecque pour uriner ou pour faire tes besoins. Si tu es dans Al-Fada, c'est-à-dire dans le désert ou dans la campagne, où il n'y a pas de construction, eh bien à ce moment-là, tu n'as pas le droit, mais tu dois te diriger vers l'est ou vers l'ouest selon l'endroit où tu es. Selon l'endroit où tu es. Donc certains, ils ont dit un troisième avis qui est par rapport au hadith d'Ibn Omar. Ils ont dit, tu as le droit de faire tes besoins lorsque c'est derrière, yani, en direction de la Mecque, mais tu n'as pas le droit d'uriner en direction de la Mecque. Vous comprenez? Alors nous disons que ceci est gharib. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. C'est-à-dire qu'il a fait même l'urine. فَنُجِيبُ بِالنَّقْلِ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم سَقْبَلَهَا بِبَوْلٍ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِعَامٍ. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait une année avant de mourir, il a uriné en direction de la Mecque. Mais bien sûr dans la construction. La deuxième chose, c'est que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, c'est-à-dire pas l'urine, mais le deuxième truc, en direction de la Mecque. Quel est le pire? L'urine ou ce qui sort l'autre, par l'autre chemin? Eh bien, il n'y a aucun doute que l'urine est moins pire. Yani, selon les visions, quoi. Il y en a, ils vont te dire que c'est l'inverse. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, qu'il n'y a aucun doute que celui qui urine ou qui fait ses besoins en direction de la Mecque, alors qu'il est dans le Bunyan, à l'intérieur d'une ville ou dans un endroit où il y a de la construction, qu'il n'y a aucun mal là-dedans. Mais lorsqu'il est dans la campagne ou le désert, eh bien ceci est interdit. Pourquoi on nous a interdit de uriner et de faire nos besoins en direction de la Mecque? Premièrement, parce que c'est ikram li baytillah il haram, c'est-à-dire c'est d'honorer cette maison sacrée. Deuxièmement, c'est parce que c'est la qibla de tous les musulmans. Tous les musulmans se dirigent vers elle pour faire la prière. Que c'est la première mosquée qui a été mise sur terre. Et que celui qui prie dans cette mosquée, il a une récompense qui est inimaginable. Donc pour tout ça, ce sont des preuves qui prouvent que Mecca ou Al-Ka'ba, elles ont une importance et un honneur et un mérite dans notre religion. En ce qui concerne Bayt al-Maqdis, c'est-à-dire Jérusalem, il a été rapporté de Mohammed ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, qu'il était interdit aussi de staqbil Bayt al-Maqdis ou istidbar Bayt al-Maqdis. C'est-à-dire que tu ne peux pas uriner et faire tes besoins ni en direction de la Mecque, ni en direction de Jérusalem, yani de Al-Quds. Et ceci est un avis qui a été dit, premièrement, sans preuve, de l'Kitab ou Sunnah. Deuxièmement, la plupart des savants ont considéré que c'était un avis qui était pas considéré. Et c'est pour ça que Al-Khattabi, rahimahullah ta'ala, qui est un imam, il a dit que nuqil al-ijma', c'est-à-dire qu'il a rapporté le consensus sur le fait qu'on avait le droit d'uriner ou de faire nos besoins en direction de Bayt al-Maqdis. En ce qui concerne mes très chers frères, Ce qui est rapporté dans certains livres de jurisprudence sur le fait de, lorsque tu fais tes besoins aussi, tu ne dois pas te mettre en direction du soleil ou de la lune. Et ceci aussi a été dit dans les livres de jurisprudence. Eh bien, ceci n'est pas une mas'ala aslan. Ce n'est pas un point de la jurisprudence. Car il n'y a aucune preuve, ni du livre saint, ni de la sunna, qui prouve que nous ne devons pas faire nos besoins en direction du soleil ou en direction de la lune. Donc il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه في ذلك كلمة واحدة. Il dit que le prophète Sassoum n'a pas été rapporté de lui-même une seule parole sur ça. Sur le fait de ne pas se diriger envers le soleil et la lune lorsque nous faisons nos besoins. لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مرسلا ولا متصلا وليس لهذه المسألة أصل في الشرع. Il dit qu'il n'y a ni un hadith authentique, ni un hadith faible, ni un hadith mursal qui est coupé, ni un hadith muttasil qui est jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même il dit cette mas'ala, c'est-à-dire ce point de jurisprudence, n'a aucune existence dans notre religion. Donc, lorsque tu fais tes besoins, tu ne les fais pas en direction de la Mecque, ni en direction, tu ne fais pas tes besoins en direction de la Mecque lorsque tu es fait le fada dans le désert ou bien dans la campagne et qu'il n'y a pas de construction. Lorsqu'il y a des constructions, eh bien, il n'y a aucun mal dans cela. Il dit l'auteur, rahimahullah, فَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ lorsqu'il fait son besoin, اِسْتَجْمَرَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ نَحْوِهَا il dit, il se nettoie avec trois pierres ou ce qui prend la place de la pierre. تُنَقِّي الْمَحَلِ qui purifie l'endroit. ثم استنجى بالماء ويكفي الاقتصار على أحدهما. Il dit, et lorsqu'il fait ses besoins, eh bien il nettoie l'endroit avec une pierre ou ce qui prend la pièce de la pierre. Nous on va dire aujourd'hui, c'est le lotus. Lotus, c'est lui qui prend la place de la pierre. Donc il utilise ça, ensuite il dit, et pour purifier l'endroit. Puis il se lave avec de l'eau. Il dit ensuite, et il suffit de faire l'un des deux. Il suffit de faire l'un des deux. C'est-à-dire que pour être purifié, yani pour purifier ses parties, il n'est pas obligatoire d'utiliser de l'eau. Et ceci est une chose qui est une erreur dans la tête des gens qui pensent qu'il faut absolument utiliser de l'eau lorsque tu veux purifier tes parties. Et je parle bien sûr de l'istinja, avant de faire les ablutions. Et ceci s'appelle l'istijmar. C'est-à-dire c'est la purification des parties sans eau. Que ce soit fait avec une pierre, ou que ce soit fait avec un bout de bois, ou que ce soit fait avec du papier, ou que ce soit fait avec tout ce qui peut nettoyer le devant ou le derrière, eh bien, cela suffit. Mais l'auteur, il dit que le mieux, c'est de faire avec la pierre et ensuite de faire avec de l'eau. Mais il dit qu'il est possible de faire que l'un des deux et cela suffit. Quel est le meilleur? Donc là, nous avons trois situations. La première situation, c'est d'utiliser les deux. Sahih? De faire l'istinja ou l'istijmar. Donc tu commences par l'istijmar, de nettoyer avec la pierre ou avec le bout de bois ou avec le papier. Ensuite, tu laves avec l'eau. Le deuxième cas, c'est de faire qu'avec l'eau. Le troisième cas, c'est de faire qu'avec l'istijmar, qu'avec le papier ou qu'avec la pierre. Nous avons trois situations. La majorité des savants considèrent que la première, c'est la meilleure. Et c'est pour cela que Nawawi, rahimahullah ta'ala, il dit « Alladhi alayhi al-jamahir min al-salaf wal-khalaf anna al-afdal » أن يجمع بين الماء والحجر. Donc Nawawi rahimahullah ta'ala il dit, ce qu'il y a dessus la majorité, c'est le fait de réunir entre l'eau et la pierre. Dans le sens où tu t'essuies d'abord, ensuite tu laves. طيب. وهذا لم يثبت عليه دليل. Il n'y a pas de preuve sur cela. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Il a fait avec l'eau, comme il a été rapporté dans le hadith de Anas, fus sahihain, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yadkhulu al-khala, fa'ahmilu ana wa ghulam idawatan mimma. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentrait dans les toilettes et nous lui apportions, moi et un enfant, un récipient d'eau pour laver ses parties. Ceci est par rapport à l'eau. En ce qui concerne la pierre tout seul, sans l'eau, il est rapporté de Salman al-Farisi, si je me rappelle bien, dans Sahih Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam naha an yustanja min aqall min thalathati ahjar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit que nous nettoyons les parties avec moins de 3 pierres. Cela veut dire que lorsque tu utilises les pierres pour te nettoyer, cela suffit. Vous comprenez? Et qu'il n'y a pas besoin d'eau. C'est-à-dire si la personne elle rentre dans les toilettes et qu'elle se nettoie avec le papier, eh bien, elle peut faire ses ablutions et faire la prière. En vous rappelant que il y a une divergence sur le jugement de l'istinja. En général, je parle de l'istinja en général. Que ce soit bilma ou bilhajar. Il y a une divergence. Et l'avis le plus solide et le plus fort, c'est que c'est wajib. Que l'istinja est obligatoire. Maintenant, Nawawi rahimahullah, il dit que la majorité considère que le mieux, c'est d'utiliser les deux. Mais il y a dans cette parole... Fiha nadar. Comment? Il y a dans cette parole quelque chose qui n'est pas tout à fait clair. Pourquoi? Parce que l'impureté, elle a deux choses. Il y a aynun najasa, aynuha, c'est-à-dire, on va parler par exemple de ce qui sort de derrière. Ça s'appelle comment déjà ça? Les selles. Les selles qui sortent de derrière. Il y a les selles. Tayyib. Et il y a la deuxième chose qui est atharuha. On parle atharuha, c'est-à-dire son impact, ce qu'il reste. Tayyib. Donc il y a aynun najasa, il y a l'impureté elle-même et il y a atharuha. Vous comprenez? Al-matlubu minna, ce qui est demandé par din, c'est izalatun najasa, la athariha. Vous comprenez? Ce qui est demandé, c'est d'enlever l'impureté, pas ce qu'il est, pas son impact, ce qu'il reste. Ce qu'il reste, c'est rotubatuha, il reste son humidité des fois et vous comprenez, yani ala kulli hal. Pour pas rentrer trop dans les détails. Donc, qu'est-ce que nous disons? Nous disons que la pierre toute seule enlève l'impureté, mais laisse quoi? Son impact. Vous comprenez? Mais l'eau, toute seule, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enlève les deux, sans avoir recours à la pierre. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, dans la parole de l'imam Nawawi, il y a un nazar. Donc, celui qui va utiliser l'eau tout seul, il n'y a aucun doute qu'il va enlever l'impureté et son impact. Mais celui qui va utiliser la pierre toute seule, il va enlever l'impureté et laisser son impact. Vous comprenez? Donc c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il utilisait soit l'eau, soit najasa, soit afwan al-ahjar, al-istijmar. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la parole de Salman, que la personne n'a pas le droit de utiliser moins de 3 pierres pour faire l'istijmar. Là, nous ne parlons que de l'istijmar, nous ne parlons plus de l'eau. Il n'a pas le droit d'utiliser moins de 3 pierres pour faire l'istijmar. Et c'est rapporté par Muslim. Et ceci est l'avis de la majorité. Donc, la majorité, qu'est-ce qu'ils disent? Malik, Shafi'i wa Ahmed. Ils disent que tu n'as pas le droit d'utiliser moins de 3 pierres pour purifier. T'es parti. Quant à Abu Hanifa, il dit « إِذَا حَصَلَ الْمَقْصُودِ بِأَقَلْ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارِ فَجَزْ » Lui, il dit « Si tu nettoies ta partie avec moins de trois pierres, et lorsque nous parlons de moins de trois pierres, nous parlons de « al-masahat » nous parlons de l'essuyage, nous ne parlons pas de la pierre. Car s'il est autorisé à une personne d'utiliser une seule pierre, mais de s'essuyer avec trois fois, si il en a la capacité, bien sûr, avec des côtés différents. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, c'est le masahat qu'on parle. Il ne doit pas faire moins de trois masahat, il ne doit pas faire moins de trois essuyages. Même s'il utilise une seule pierre. Et ceci est l'avis de la majorité. Et c'est le meilleur avis. Donc lorsqu'il fait, il se purifie et qu'il s'essuie avec trois pierres et que hasal al-maqsoud, c'est-à-dire que il s'est nettoyé avec trois pierres et khlas, l'impureté elle n'est plus khlas. La personne, il fait ses ablutions. Mais si, par exemple, il a utilisé trois pierres, mais il reste de l'impureté, que doit-il faire ? Que doit faire cette personne ? Il doit utiliser une quatrième pierre, sahih ? Ou bien un quatrième papier. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme il est rapporté dans les deux recueils authentiques de Bukhari et de Muslim, d'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man istajmara fal yutir » Celui qui fait l'istijmar, qu'il fasse un pair. Donc la personne, s'il a fait trois, et il a besoin d'une quatrième, alors il doit faire un cinquième. Vous comprenez ? Car il doit respecter le fait que ce soit un pair. « Wa zahiru kalami nabi sallallahu alayhi wa sallam » Est-ce qu'il est apparent de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que c'est obligatoire. Car il a dit « وَمَنْ اِسْتَجْمَرْ فَلْيُوتِرْ » Il a ordonné de faire un pair. Donc il est rapporté aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith d'Ibn Mas'ud, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un jour c'est l'istijmar et qu'il a demandé à Ibn Mas'ud de lui rapporter trois pierres. Ibn Mas'ud n'en a trouvé que deux. Puis, il lui a rapporté, vous voyez les excréments de chameau ou de vache qui devient dur, on dirait une pierre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris les deux pierres et il a jeté l'excrément là, et là, il s'est essuyé avec deux pierres, puis il a demandé une troisième pierre. Et il s'est essuyé trois fois, alayhi salatu wassalam. Donc ceci est important, mes très chers frères, que la personne qui fait l'istijmar, elle doit s'essuyer trois fois, au minimum. Et il doit respecter le fait que s'il a besoin de s'essuyer plus de trois fois, que ce soit fait de manière que ce soit impair, le nombre d'essuyages, et qu'il a le droit d'utiliser une pierre tant qu'il s'essuie avec des côtés différents. Voyez. Donc l'auteur il a dit وَيَكْفِ الْإِرْتِصَارَ عَلَى أَحَدِهِمَا, c'est-à-dire que tu as la possibilité d'utiliser soit l'eau, soit la pierre, et de faire tes ablutions ensuite directement. Il y a une mas'ala qui est importante et qui est en relation avec ce dont nous sommes en train de parler. Et c'est le fait de toucher ces parties, que ce soit le sexe ou le derrière, directement avec sa main droite. Donc, il y a une divergence entre les savants sur le fait de toucher ses parties avec sa main droite. Et ceci en deux avis. Certains considèrent que c'est déconseillé. Et ceci est l'avis de la majorité. D'autres considèrent que c'est interdit, que c'est haram. Et ceci est l'avis d'Ibn Hazm. Et c'est un avis chez les Shafi'ites et chez les Hanbalites. Que tu n'as pas le droit de toucher tes parties, que ce soit ton devant ou ton derrière, avec ta main droite. Donc une personne va me dire, comment on va faire, comment on fait l'istijmar alors? Comment la personne fait l'istijmar? Comment elle essuie ses parties avec une pierre si elle ne peut pas utiliser sa main droite pour toucher ses parties? C'est vrai ou non? On se pose cette question. Eh bien, la réponse, elle est simple. C'est que la personne va prendre son sexe dans la main gauche et la pierre dans la main droite. Et il va essuyer son sexe sur la main, sur la pierre. Vous comprenez? C'est aussi simple que ça. En ce qui concerne le derrière, eh bien, c'est avec la main gauche. Vous comprenez? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a été rapporté fil sahihain, fil Bukhari Muslim, il a dit, le hadith de Abi Qatada, إذا أتى الخلا فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, lorsque l'un de vous va aux toilettes, qu'il ne tient pas, qu'il ne touche pas sa partie avec sa main droite, et qu'il ne s'essuie pas avec sa main droite. Donc cela prouve quoi? Qu'il est interdit de s'essuyer et de toucher sa partie avec sa main droite. D'autres savants ont dit que c'était déconseillé, ils ont utilisé le hadith de Talaq ibn Ali, où il dit, سألت عن مس الذكر فقال إنما هو بضعة منك. Et le hadith est rapporté par Abu Daoud al-Tirmidhi wa al-Nasa'i. Donc le hadith, il dit que cette personne a demandé sur le fait de toucher ses parties avec la main droite, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, certes c'est une partie de toi, dans le sens où il n'y a pas de mal. Donc certains savants ont parlé de ce hadith tasrihan wa tad'ifan. Certains ont considéré qu'il était faible, etc. Et à la kulli hal, ce n'est pas le sujet. Nous considérons que le hadith est authentique. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé, il a dit idha atal khala. C'est-à-dire qu'il a particularisé la chose. Nous pouvons dire que hors urine et hors ablution, c'est-à-dire là, hors nettoyage des parties, la personne, il peut toucher à la rigueur. Nous disons ça, malgré que certains savants disent que c'est interdit même à l'extérieur. Mais lorsqu'il fait lorsqu'il nettoie ses parties, eh bien le prophète a bien spécifié que c'était interdit. Que c'était interdit. Ensuite, l'auteur, il dit, rahimahullah ta'ala, « Wala yustajmar birrawth wal'idham » كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كل ما له حرمة. Donc là, l'auteur, il cite trois choses. Il dit qu'on n'a pas le droit de faire l'istijmar avec trois choses. Il a dit avec al-rawth. Al-rawth, c'est les excréments qu'ils ont durci, des bêtes. Wal-idham, les os. Et il dit ensuite, comme cela a été interdit par le prophète صلى الله عليه وسلم, dans le hadith de Abi Huraira, de Jabir et de Salman, qui est rapporté par Al-Bukhari au Muslim. Et kullu ma lahu hurma, c'est-à-dire toute chose qui a une importance, qui a une importance. Donc le hadith de Salman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nahana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an nastanjiya bi raji' aw 'idham aw 'azm. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de faire à l'istijmar, de s'essuyer les parties avec, c'est-à-dire les excréments ou avec des os. Donc Allah azza wa jalla nous a interdit ça, d'utiliser, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit ça, d'utiliser ces choses-là. Donc la chose qui va être utilisée pour essuyer ces parties, elle doit respecter trois conditions. La première, c'est que ça doit être quelque chose de jamid, quelque chose de solide. Donc comme la pierre, le bois, etc. Deuxième chose, ça doit être une chose qui est pure, quelque chose de tahir. Tu vas pas t'essuyer avec quelque chose qui est impur. Troisième chose, c'est quelque chose qui doit purifier. C'est quelque chose qui doit purifier. Donc si tu utilises une chose qui ne purifie pas, par exemple, la personne il va prendre une tige de fleur. Une tige de fleur, il va essayer de se purifier. Ça ne va pas purifier. Donc il faut que la chose soit solide, qu'il soit dur, yani, que ce soit pur et que ce soit quelque chose qui purifie. Et il est strictement interdit de se purifier avec quelque chose qui est impur. Avec de la nourriture aussi. Quelqu'un il prend un bout de pain, il se purifie avec. Ceci fait partie de la kufr al-ni'ma. Kufr al-ni'ma. Et aussi avec les eaux. Avec les eaux, il ne faut pas les utiliser pour se purifier avec. والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك